Tariho. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition dont voici d'abord le sommaire. Le forum des partis politiques exprime le besoin d'avoir un cadre plus décentralisé au niveau des communes et des provinces pour échanger sur la vie du pays. Dans ce journal, vous entendrez Olivier Ngurunziza, c'est le vice-président du forum des partis politiques, FDP en sigle, en même temps président du parti UPRONA. En commune Michihad de la province de Changuzo, nous sommes à l'est du pays. Des rapatriés préfèrent retourner en exil suite à la pauvreté qui gangrène les ménages, vous l'entendrez. Et puis, 21 mai, c'est la journée dédiée aux communications sociales pour les journalistes et communicateurs. Abbé Désiré Biléha appelle les journalistes et communicateurs à travailler en pensant aux prochains à l'heure des nouvelles technologies. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Des échauffourées ont eu lieu ce dimanche à l'église appelée Elayono par certains ou Christian Faith International Church par d'autres, empêchant le déroulement de la prière. Nous sommes au chef-lieu de la province Rumonge. Des chrétiens ont refusé d'entrer dans l'église pour manifester leur intention contre la destitution d'un nouveau pasteur en remplacement de celui qu'ils appellent Museo ou Paco. Mais selon le représentant légal de l'église, Deo Muyumbu, ce Museo ou Paco du vrai nom de Mbonangila Jean-Berkimans a été remplacé puisqu'il n'a pas honoré certaines responsabilités. Les journalistes en général et les communicateurs sont appelés à travailler en pensant au prochain à l'heure des nouvelles technologies. Un message de l'abbé Désiré Biléha dans son homélie ce dimanche dédié aux communications sociales pour les journalistes et communicateurs. Se référant sur un message de sa sainteté, ce religieux suggère que toute communication et toute information soit faite et donnée en cherchant la vérité, une vérité qui réconcilie le peuple. Suivez-le dans cette traduction française de Patient Niyomukiza. Ariko kandi urukundo rutari n'ukuri buza mu bwiyorobetsi uburyarya no guhendana naho nyine ntacyo byungura umuntu. Toute vérité qui n'a pas d'amour pour autrui peut être démotivant, séparateur, peut blesser. Toutefois, un amour sans vérité est source d'hypocrisie, de zizanie et de mensonge, et cela n'a pas de valeur pour un être humain. Il faut toujours marier amour et vérité. On dirait que la vocation de donner l'information est une lutte. Il faut vraiment la donner en ayant conscience qu'elle véhicule des messages réconciliateurs, éclairants. Dans cette émission de journaliste et communicateur, il nous est demandé de penser à ce que l'on va dire pour que ce métier soit fait à sa juste valeur. Et moyen de bâtir le royaume de Dieu parmi les hommes, s'habituer à écouter l'autre et se mettre à sa place pour savoir sur quoi échanger. Il faut que la vérité que nous voulons partager soit une vérité visant l'intérêt général. Page politique pour vous dire que les responsables des partis politiques ont besoin d'un cadre d'échange plus décentralisé au niveau des communes et des provinces pour échanger sur la vie du pays. Olivier Ngurunziza, vice-président du Forum des partis politiques, FDP en sigle, le dit au terme d'une réunion avec les responsables des partis de ce forum à Gitega vendredi et samedi. C'était en effet une réunion de restitution des activités que le comité exécutif du FDP avait effectuée à Zanzibar, en Tanzanie, pour un échange d'expérience avec Tanzania Center for Democracy. Le constat a été que les intérêts de la population doivent toujours primer sur les intérêts des individus. Suivez Olivier Ngurunziza, vice-président du FDP et président du parti UPRONA. Nous étions invités par le Tanzania Center for Democracy, TCD, pour échanger l'expérience du forum des partis politiques. Nous avons apprécié effectivement que ce centre est un centre décentralisé jusqu'à dans toutes les provinces. Et c'est dans ce centre que les partis politiques échangent la vie politique du pays, économique et sociale du pays. Effectivement, c'est un centre qui réunit les partis qui se trouvent dans le Parlement, mais aussi en collaboration avec d'autres partis politiques. Et nous avons vu des mécanismes qui ont été mis ensemble, effectivement, pour que le dialogue interparti soit une réalité en Tanzanie. Et quand il y a un ça ne va pas entre le parti au pouvoir et d'autres partis de l'opposition, ils se mettent ensemble, ils échangent et trouvent des solutions en mettant en avant l'intérêt national, l'intérêt de la population tanzanienne. Nous avons vu qu'effectivement, c'est un centre qui a aidé, mais aussi qu'il y a autre conseil national des partis politiques en Tanzanie et un organe d'enregistrer des partis politiques. Tout cela, ce sont des organes qui sont là, qui aident au dialogue interparti pour qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a un problème entre les membres d'un parti politique ou quand il y a un problème qui doit être résolu à partir des organes bien connus, et nous avons vu que chaque fois on met en avant le dialogue, et c'est le dialogue interparti qui aide à développer le pays socialement, économiquement et politiquement. Nous avons tiré des conclusions qu'au Burundi, il faut toujours continuer de faire le dialogue interparti pour trouver des solutions. Et par dialogue, le pays va trouver une stabilité politique. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. L'Institut technique agricole Ita Bukarusi a célébré ce samedi son jubilé d'or. Le directeur de l'école, de même que d'autres autorités, ont émis le souhait de la mise en place d'une association regroupant ses anciens et amis pour aider dans son développement. Ils ont fait savoir que l'école, avec toutes ses filières techniques, a beaucoup contribué pour le développement du pays en général et en particulier dans le secteur agro-pastoral. Blaise Pascal Kararumi. Le directeur de cette école, Institut technique agricole du Burundi de la province Karusi, a indiqué lors des cérémonies que l'école réalise déjà 53 promotions depuis 1963, soit un effectif de 1144 techniciens qui ont été mis à la disposition de la population burundaise. L'école a commencé en 1965 avec une seule filière d'agriculture. L'école était installée à Zégué de la province Gitega et a été transféré dans la province Karusi en 1982. Depuis 1999, l'État de Karusi compte 4 sections techniques, l'agriculture, ensuite la section vétérinariat, la section eau et forêt et enfin la section TIAIA, c'est-à-dire la technologie des industries agroalimentaires, une section qui a été introduite en 1999. De même que l'ancien directeur de l'école, la période des années 1980, Tiroko Damien, et qui signale s'être investi pour que les lauréats de cette école soient de niveau A2. Tous affirment que l'État de Karusi a beaucoup contribué pour le développement du pays par le développement du secteur agro-pastoral qui assure la vie de la majorité des Burundais. Ils ont demandé à tous ceux qui ont étudié à cette école, à ceux qui y ont travaillé, mais aussi aux amis de l'État de Karusi, de se mettre ensemble dans une association afin qu'ils puissent aider et plaider pour le développement de l'école, tant en ce qui est des infrastructures qui demandent actuellement être réhabilitées, mais aussi en ce qui est de l'exploitation agricole, d'autant plus que l'école dispose de vastes étendues qui nécessitent d'être exploitées. Les cérémonies ont pris fin en primant 5 directeurs qui ont dirigé cette école depuis les années 1970. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumiye pour Radio Isanganiro. Merci à Blaise et Pascal Kararumiye. Des rapatriés originaires de la commune Mishiha en province Changuzo préfèrent retourner en exil suite à la pauvreté qui gangrène les ménages. Pascal Nilagira, le secrétaire exécutif permanent en commune Mishiha, ne nie pas les faits. Il appelle toutefois ces Burundais à s'adresser aux autorités administratives pour trouver ensemble des solutions. Suivez-les dans la traduction de patient Nizongiza. Muri iminsi tuma turabona kumbure ibyo twakwita ibidasanzwe aho hari abantu bahunguka. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir quelque chose de spécial. Nous voyons les rapatriés qui ne patientent pas. Ils prennent des décisions de se réfugier encore. Il y a même ceux qui changent de refuge. Par exemple, quelqu'un qui était réfugié en Tanzanie, on entend qu'il s'est dirigé en Ouganda ou au Kenya. Mais nous pensons que cela est dû au peu de moyens financiers qu'ils disposent quand ils finissent l'argent et la nourriture que le HCR leur a donné en provenance des camps. Ils voient que la vie devient difficile, mais l'administration, nous ne croisons pas les bras. Nous sommes en train de tourner sur les différentes collines au cours des réunions prévues pour donner des explications à nos compatriotes qu'en cas de nécessité après le rapatriement, ils doivent emmener leurs doléances aux responsables communaux. La même situation se manifeste depuis l'an 2021. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Chancela Mugisha Wimana pour la collaboration technique. Bonne soirée à tous. Au revoir.